vous savez tous exactement qui je suis. Bon vœu. La pépé. Hey. Ils sont personne chez eux ni ailleurs, ils veulent m'apprendre la vie. Calibré dans la ville, je veux baiser le monde comme ceux qui se cachent à Tel Aviv. Je suis pas venu les mains vides, mande à Carlito Bullock, son quartier ça m'appelle Hedji. Je suis pas Charlie, je suis Salahdin Hassou. Je suis pas venu comme la moisson, pendant que tu crois que j'ai percé, moi je coupe les cailles de poisson. Y'a tout placard que je suis patient, j'ai une fierté qui me baise et chaque jour je côtoie la poisson. On sort tous de la rue, mais pas de la même adresse. Je suis sorti, j'ai rien raté, la même hiver comme été, les mêmes sols ratés, les mêmes fils de pute en train d'enquêter. Y'a ceux qui prient, ceux qui consultent Satan, espérant d'être acquittés. Y'a la sécu calibre au côté du micro en train de guetter, branché partout comme un franc-maçon. Des voitures à cash qui livrent dans toute la France. Je suis d'une ville où tu trouves des 6 gros à foison. Entretiens les liens avec les voisins. Ils peuvent te sauver le cul comme faire perdre la face. Un trou de balle, mais ça me sent mon image, c'est pas de la contreface. Les anciens ont tout baisé, nous on était pas nés. La plupart ont canné, rebelote notre génération. Chaque jour on veut ce qu'il fallait, tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bourges. Les anciens ont tout baisé, nous on était pas nés. La plupart ont canné, rebelote notre génération. Chaque jour on vient ce qu'il fallait, tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bouches. Je préfère des prières, des fleurs déposées sur ma tombe. J'ai pas le temps de commater, ils montrent au AS des matons. Ils ont fait que mater et ils veulent croquer maintenant. Je t'ai dit mon vécu m'est fait, la rue m'a fait, même payer les frais. Pour ça que je me méfie quand on m'appelle refrain. Des fois je médite, j'envie les morts, je me dis qu'ils sont refaits. Je me demande qui sont mes frères et qui est le fils de pute qui voudrait me faire. J'ai tellement pleuré, je crève en rigolant. Le RAP pue de la gueule, je suis venu en mode Ricola. Y'a qu'avec mes proches unis à dehors, c'est donnant donnant. L'argent a fait des voyous, protège de grands donneurs de nom. Le système nous a bien pinés, comme la cam canique et toute une génération à Gennevilliers. Le vice c'est comme le Covid au check, on se l'est tous refilé. De façon bientôt je me casse. Je veux pas finir comme ceux qu'on fait leur blase. Maintenant qu'on besoin d'un coup de gosse, vous finissez à la casse. Les mains sales, les larmes, les mèches à qui j'ai grandi dans ça. J'ai pas la tête à te faire danser, ni à te faire du rap conscient. Quartier disciplinaire, dans ma tête j'faisais des sons. Parce que ce fils de pute de SS me privait de feuilles cançons. Les anciens ont tout baisé, nous on était pas nés. La plupart ont canné, rebelote notre génération. Chaque jour on veut ce qu'il fallait, tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bourges. Les anciens ont tout baisé, nous on était pas nés. La plupart ont canné, rebelote notre génération. Chaque jour on veut ce qu'il fallait, tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bouches. Je vais faire des prières, des fleurs déposées sur ma tombe. J'ai pas le temps de commater, ils montrent au AS des matons. Ils ont fait que mater et ils veulent croquer maintenant. Eh, à mes bons vœux à Boisdard, Marwan, Mekton, Braga, Lamine, Mara, à Val de Reuil, Rebenga, Tédé, ça va toujours même quand y'a de quoi péter un bleu cas. À Kamikaze, à Essam Branceux, Toto de Montataire. Dominique Montreuil, la noche Areo, Favé, Habibé, Riston, à tous les bons vieux qui tournent, Villepin, Rifleux, c'est que dans Aubomètre, Seis, Corba, Lian, Couronine, Nanterre, la santé, Fresne, le Ponté, à tous les CD, y'a quoi ce que j'ai su patienter. J'ai pas besoin de chaque tour SS pour avoir le bras long, avec des sions, si les barreaux, et on essuie les larmes des parents. Eh ouais, bon vœu, c'était Ocho. C'était comparution immédiate. T'imagines bien que la suite, c'est un mandat de dépôt.